Le livre qui a le plus marqué ma vie, c'est indéniablement L'écume des jours de Boris Vian. C'est par ce livre que j'ai compris ce que voulait dire le mot littérature, en fait. L'écume des jours, c'est un livre à la langue très simple, mais qui est d'une précision extrême. Et moi, ça a été très fort, au point effectivement que quand j'ai changé de nom en devenant écrivain, j'ai emprunté directement le prénom à l'héroïne de ce livre. Et pour moi, c'est vraiment une sorte de...